Se cache des rouages dorés, quelques parachutes et des identités nationales, nationales, nationales, nationales. Dans la machine se cache des frontières à la con, des localisations en vie d'un coup de poing cardinal. Cardinal, cardinal, cardinal. J'ai toujours préféré les hommes à la machine. Dans la machine se cache des clowns à l'assemblée, se voilant la face cachée. Et des bigots tout tristes, tristes, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval. Dans la machine se cache des chansons de comptoir, des utopistes anards, et comme une paresse générale, générale, générale. J'ai toujours détesté les hommes à la machine, mais la machine s'enraye, quel bonheur pour les grains de sable que nous sommes. On ouvrira une bouteille pour mieux fêter la fin du diable et de ses psaumes. Putain d'artificiel, je te mettrai le feu avec un sourire énorme, ravi de ne plus voir l'engrenage et le trône.